Yeah. Assis face au miroir, je me pose des questions. Qui je suis vraiment sous le masque et les émotions. Chaque jour joue un rôle pour la société. Au boulot, en famille, faut être formaté. Mais dans ma tête, c'est le bordel constant. Pensées qui s'entrechoquent, doutes dévorants. Anxiété chronique, génération surmenée. On affiche des sourires, mais on est tous minés. Je regarde mes parents vieillir, ça me terrifie. Le temps qui file, la mort qui se rapproche dans la vie. J'ai 30 ans passé, qu'est-ce que j'ai accompli? Une carrière moyenne et des rêves ensevelis. Dans ma tête, c'est la guerre tous les jours. Dans ma tête, je me bats contre mes démons d'amour. Personne voit ce combat intérieur. Sourire en façade, mais chaos à l'intérieur. Dans ma tête. Scrolling infini sur les réseaux sociaux. Comparaison malade, vie parfaite en photo. Tout le monde réussit mieux que moi apparemment. Mais c'est que des mensonges, personne n'est vraiment content. Thérapie depuis 2 ans, j'apprends à m'accepter. Mes failles, mes forces, tout ce qui me constitue validé. Méditation, journaling, j'essaye des trucs. Certains jours ça marche, d'autres je suis à bout en fumée. Mais j'avance doucement, un pas à la fois. Vers une version de moi qui assume ses choix. Imparfait, fragile, mais authentique enfin. Dans ma tête ça crie moins, je trouve mon chemin. Dans ma tête, c'est la guerre tous les jours. Dans ma tête, je me bats contre mes démons d'amour. Personne voit ce combat intérieur. Sourire en façade, mais chaos à l'intérieur. Dans ma tête, dans ma tête. Si t'es comme moi, perdu dans tes pensées, sache que t'es pas seul, on est nombreux blessés. La santé mentale, c'est pas une faiblesse. C'est du courage d'avouer qu'on a besoin d'aide en détresse. Dans ma tête, dans ma tête. Dans ma tête. Combat continue, mais je perds pas la tête.